Oui, ben j'ai tendance à beaucoup écrire, ben pas écrire nécessairement par rapport à moi parce que j'aime pas ça, ou sinon je déguise un peu mes expériences dans des situations plus fictives ou avec des personnages qui eux peuvent être vulnérables, sauf que pour moi c'est plus facile de les présenter eux puis de les développer que de me mettre à nu complètement puis de dire ben de raconter ma vie finalement. Je pense que c'est une forme de pudeur. Où est la froid, et la chaud, la belle, la mal. Sarah Toussaint Léveillé, créative et pleine d'élan, à Sentier Secret, mardi 2 septembre à 9h. Bon dimanche après-midi, c'est Michel Monnet au micro, c'est l'heure de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Les Oreilles Ailleurs, cette semaine, c'est la dernière de l'été. On va passer un beau 2 heures ensemble, et comme c'est la dernière de l'été, j'ai choisi de faire un bilan, présenter ce que j'ai particulièrement apprécié cet été. C'est pas facile, c'est un peu comme une maman à qui on dit de choisir ses enfants qu'elle préfère parmi tous ses enfants. Pas facile, mais enfin... Je me suis prêté à cet exercice. Pas facile parce que je vous ai présenté... Je faisais un peu un bilan de ce que je vous ai présenté, un bilan statistique de ce que je vous ai présenté cet été. 197 titres de 134 artistes. J'ai pas compté le nombre de pays, mais enfin, il y en avait de tous les continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique même, beaucoup en Amérique du Sud, vous comprendrez, puisque l'émission présente des... chansons en langue autre que l'anglais ou le français. Aussi à l'Océanie, pour l'oublier, l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, entre autres. Donc, c'est un bilan de parmi ces 197 titres, ces 134 artistes, un bilan de ceux que j'ai vraiment, vraiment préférés entre tous, quoi. Et ça commence avec un artiste qui s'appelle Yung Miyake. Je vous avais présenté une pièce de lui le 8 juin, au tout début donc de la saison estivale. La pièce s'intitule The Silence Ahead. C'était dans un album qui s'appelle Play Up Football is Music, un album qui est paru en 2006. En 2006, c'était la Coupe du Monde en Allemagne. Cet été, c'était la Coupe du Monde au Brésil. Alors, je me suis dit, tiens, je vais débuter cette saison estivale avec... quelques pièces comme ça qui rappelaient une autre Coupe du Monde, celle de 2006. Ensuite, on va écouter Eleanora Rosenholm. C'est un groupe finlandais dans la pièce Mustarosu. C'est une pièce tirée d'un album qui s'appelle Vanajan Muo Tokuva. L'album paru en 2007. C'était aussi le 8 juin que je vous ai présenté, Eleanora Rosenholm. On va tout de suite enchaîner avec une troisième pièce. Je crois que les trois se suivent bien l'une et l'autre. Avec Royson Murphy. Ça, c'est un album très, très récent, mi-2014. La pièce s'intitule In Synthesis. C'est de l'album Me Senti. Royson Murphy, elle faisait partie du duo anglo-irlandais aux sonorités rock, pop, trip-hop, électronique, Moloko, avec le DJ Mark Bryden. Elle a décidé de présenter un album solo entièrement en italien, sur laquelle elle a planché avec son compagnon de vie actuel, Sebastiano Properzi. C'est un producteur de musique milanais, très connu, davantage connu comme la deuxième moitié du duo Luca C. I. Briganti. C'est un duo de musique électronique. Donc on va écouter ces trois pièces en commençant par Yung Miyake. この志島の先、この遠雷の運ぶ行幸を我が同胞に与えたまえ。願わくばこの言霊が我らを支配し、 我が瞳が千里を見通さんこと。我が背には羽が宿らんこと。響く先我が五感が大ずる刹那、我が瞳が千里を見通さんこと、我が背に羽が宿らんこと。 poliisi, poliisi, ruohottuneen lammen tehtaan takaa. Ja ruumiit upotettuina lammen synkkään liejuiseen pohjaan. Lehdet kirjoittivat, etteivät syyllisestä poliisit vielä varmuutta saaneet. Mutta aavistin heidän olevan kannoillani lähempänä kuin aiemmin koskaan. Lehdessä kirjoittavat murhaajan olevan mieleltään sairas nainen. Harhainen, eksynyt, yksinäinen, syyntakeeton, paholainen. Öisin herään heidän sireeniinsä ja koiriin, jotka eivät löydä etsimäänsä. Olen tyttö musta ruusukämmenellä ja ikkunasta heille hymyilen. Musta, musta ruusu, ruusukämmenellä. Racine irlandaise, Racine Murphy dans la chanson Mi Senti. In Senti, si, c'est tiré de l'album Mi Senti. Étonnante Racine Murphy qui a décidé de se lancer dans une réinterprétation de quelques-uns des succès de la disco italienne. Quoique In Senti, c'est une musique tout à fait originale. Elle réussit presque à donner une âme à la musique disco, une musique qui est beaucoup plus destiné habituellement à nous faire bouger, que ce soit en dansant, que ce soit en faisant du workout. On enchaîne avec Spinvis qui est Eric De Jong, c'est quelqu'un qui est des Pays-Bas. Il a débuté sa carrière quand même sur le tard. Il avait 40 ans quand il a présenté ses premières démos à la maison de disques hollandaise Excelsior. Et puis, ça a traîné un peu dans les bureaux, un peu partout de la maison, jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'utiliser pour un party de bureau. Et ça, là, semble-t-il. C'est un peu la légende qu'on raconte autour de ce disque, mais j'aime bien cette légende. Ensuite, il y a le duo Kieslowski, un duo tchèque que j'adore, dans Obraz. Obraz, c'est la première pièce sortie d'un tout nouvel album, Maisie Yopat, qui va sortir en septembre prochain. J'ai bien hâte d'entendre ce nouvel album. On écoute donc d'abord Spinvis dans la chanson Was. Vous allez reconnaître un air populaire. Et ensuite Kieslowski dans Obraz.

présente une série d'activités reliées aux traditions maritimes d'ici et d'ailleurs. Les 5, 6 et 7 septembre, chants de marins, conférences, rencontres avec des artisans reliés à la vie maritime du Saint-Laurent. Présenté grâce à une aide financière de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications. Informations www.cvpv.net. Silver Mount Zion Memorial Orchestra a été formé en 1999 par trois membres de Godspeed You Black Emperor. Selon Pitchfork Magazine, bien qu'ils partagent avec Godspeed une profonde méfiance de l'autorité, les membres du projet diffusent leurs idées par des moyens plus accessibles. Des interviews, une plus grande interactivité sur scène, des paroles auxquelles nous pouvons tous nous joindre et des chansons aux hymnes plus rock et viscéraux. The Silver Mount Zion s'arrête au Cercle le 12 septembre prochain. Des billets en prévente sont disponibles sur le-cercle.ca. Vous écoutez le 89.1 CKRL à Québec. Et c'est Michel Monnet au micro et c'est toujours l'émission Les Oreilles ailleurs, la deuxième demi-heure. Cette semaine, c'est une rétrospective des chansons que je vous ai présentées cet été. Comme je vous disais, 197 titres, 134 artistes cet été. J'en ai choisi quelques-uns à travers. Ça n'a pas été facile, mais bon, il fallait que je fasse des choix. Le prochain s'appelle Vous, la chanson Kobilo, Tobilo. Vovo, c'est un groupe polonais fondé en 1985 par Wojciech Waglewski. C'est un groupe fascinant, toujours en recherche musicalement. C'est un mélange de jazz, de rock, entre autres, en tout cas dans l'album Nova Plita, d'où est extrait la chanson Kobilo, Tobilo. C'est un groupe qui joue toutes sortes de musique finalement, qui est assez éclectique comme type de musique, mélangeant le rock, le folk de différentes cultures, enfin. Tout ça ensemble, ça donne quelque chose de fort intéressant. Ensuite, Alma Greta, c'est un groupe italien. Alma Greta, ça veut dire âme migrante. On dit que c'est une des propositions les plus internationales du rock italien. C'est un groupe à l'âme méditerranéenne. C'est un groupe napolitain. C'est un groupe qui a un parcours créatif très particulier puisqu'il puise son langage rythmique dans le reggae, le hip-hop, le rhythm and blues, la chanson napolitaine et orientale avec un regard sur le continent africain. Rien de moins. J'ai même lu quelque part qu'il chante dans un dialecte napolitain que même les Italiens ne comprennent pas toujours. La chanson, c'est Fatala. On va enchaîner tout de suite avec la magnifique Mercedes Peón. Mercedes Peón que je vous avais présentée le 3 août dans le cas de Vovo et Alma Greta. C'était le 27 juillet que je vous les avais présentées. C'est une Mercedes Peón, c'est une chanteuse originaire de Galice. C'est une ethnographe aussi. Elle, non seulement elle chante, mais elle fait beaucoup de recherches sur les musiques traditionnelles de son coin de pays. La Galice, c'est en Espagne. C'est son quatrième album. La chanson Hélas qu'on va écouter vient de son quatrième album SOS. C'est une œuvre au fil de laquelle tous ses albums se nouent des liens de plus en plus harmonieux entre d'une part les musiques traditionnelles de sa région, la Galice, et des sonorités électroniques résolument contemporaines. Il y a un peu de tout, il y a un mélange de toutes sortes d'approches électroniques, y compris des enregistrements sonores qui sont intégrés à sa musique. C'est magnifique. On va écouter d'elle tout de suite après Alma Greta, mais eux-mêmes après Vovo. On va écouter d'elle Hélas. On commence avec Kobilo, Tobilo de Vovo. Się tak siedzi w barze na rogu ulic Niemczech. I nie ma się czym zająć, lepiej zająć się niczym. A w knajpie jest nieładny, raczej zwietrzały dość mocno. Pewnie niebawem padnie, będę musiał się stąd zwinąć. Tak, na minutę, dwie trafi szar. A może trafi je, nim dopadnie, by trafić mnie. I za wino nikt nie zapłaci, będzie wstyd. Gęby, w ogóle nie muszę działać. Bez podupadłych knajpek świat nie byłby tak doskonały. I gdyby radio tak na minutę, dwie trafił szlak. Może trafi je, nie dopadnie, by trafić mnie. Za wino nie zapłaci, będzie wstyd. Fatallah è la cosa che viene detta a tutte le persone che vengono dall'Africa e dall'Asia qua a cercare un po' di legittima felicità dopo che la civile Europa gli ha devastato i loro paesi di provenienza. L'unica cosa che viene detta è Fatallah. Fatallah in napoletano significa battere. Fatallah, perché qua non c'è posta. Fatallah, a casa mia non c'è posta. Spazio vitale, identità razziale, da tutto quanto tenne nell'orgoglio nazionale. Fatallah, perché qua non c'è posta. Fatallah, a casa mia non c'è posta. Fatallah, show, non so come ricciata. Razza, cultura, nascita, nazione. Sono diventata tra la popolazione. Fatallah, la Germania ricce. Fatallah, fatallah, la Croazia ricce. Fatallah, fatallah, show, le Fatallah, la, a casa mia non c'è posta. Fatallah, show, non so pa' manca ricerca. pregiato. Razza, cultura, nascita, nazione. Sono diventata droga, la popolazione fatalla. La Germania dice fatalla, fatalla. La Croazia dice fatalla, fatalla. Show, lega Lombardo dice fatalla. Che c'è una foto, si da puzza e fame. Si da morra ne creatura, si non diena mal che fanno. Tutto in serrata anche a costo di sparare. Renda su serraia, ma uno culturale. Nord e sud, sì, ma tutto quando è uguale. Per mettere sul sistema che ci ha fatto tutte schiava. E allora è venuto un momento, già mi scavo costruì la società che non dice fatalla, la cala di capo non c'è posta, fatalla. La casa mia non c'è posta, fatalla. Show, non so come anche ricciata. Razza, cultura, nascita, nazione. Sono diventata drago, la popolazione, fatalla. La Germania ricce, fatalla, fatalla. La Croazia ricce, fatalla, fatalla. Show, lega Lombarda ricce, fatalla. Che c'è una foto, si da puzza e fama. Si da morro ne creatura, si non viene ma ne panna. Allora invece immagino noi fatalla. A tutti razzista, fatalla. A tutti leghista, fatalla. A tutti nazisti, noi fatalla. Pasamos. Mercedes Peon dans la chanson Hélas, une chanson tirée de l'album SOS, un album paru en 2010. Mercedes Peon que je vous avais présenté le 3 août. Je vous rappelle qu'on fait, je fais un peu une rétrospective de ce que je vous ai présenté cet été. En fait, des pièces que j'ai particulièrement appréciées parmi celles que j'ai choisies. Et le 3 août, la première demi-heure avait été consacrée au festival Woodstock en Pologne. C'était fabuleux parce qu'on pouvait, de chez soi, ici à Québec, regarder la scène principale du festival Woodstock qui se déroulait en Pologne. C'était le 20e anniversaire du festival Woodstock en Pologne, tout comme c'était le 20e du festival Woodstock en Beauce cet été. Belle coïncidence. Le 10 août et le 17 août, je vous ai présenté deux artistes chinois. D'abord, Zhuo Xiao Zhu Zhu, le 10 août, dans une chanson qui s'intitule « Cloud et Tomorrow ». Ça va être nuageux demain, c'est à peu près ça que ça veut dire. L'album, c'est « I've never eaten these teeny grapes ». Jamais mangé de ces raisins-là, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, le 17 août, je vous ai présenté Xiao He. C'est un artiste absolument fabuleux. C'est assez incroyable. En fait, c'est plus qu'un artiste, c'est un groupe. C'est assez incroyable ce qu'ils font. Il y a un côté à la fois très, très rock de ce groupe, mais il y a un côté aussi qui est très, très expérimental. Non, c'est pas un groupe, pardon, je me suis trompé, c'est un individu et c'est très expérimental ce qu'il fait. Là, je me mélangeais avec Cold Fairyland, qui est un groupe chinois qui a ces deux aspects à la fois expérimental, à la fois rock très, très conventionnel, dirons-nous. Un autre groupe que j'avais bien aimé, mais bon, je peux pas tous vous les présenter. Cold Fairyland, ça s'écrit F-A-I-R-Y-L-A-N-D. Je vous dis ça pour me faire pardonner parce qu'on ne les entendrait pas. Cherchez ça un peu partout, vous allez les retrouver, vous allez voir, ils sont vraiment bons. Xiao He est assez particulier. Alors, on va écouter d'abord Duo Xiao Zuzu dans la chanson Cloud et Tomorrow, et ensuite Xiao He dans Record of Evaluation. Ça, c'est un album paru en 2008 de Performance of Identity. Vous allez voir, c'est très particulier ce qu'il fait. Mais d'abord, Duo Xiao Zuzu. 山的斜眼，满天的雪霜，山 CKRL 89.1. Le 28 septembre prochain, venez découvrir la course à pied la plus urbaine de Québec. Au cœur de la 3e avenue, la course de la cité Limoilou offre un parcours de 5 et 10 km pour les adultes et un itinéraire enfant de 1 km. Course rapide, ambiance familiale, paysage urbain et plaisir garanti. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. La course de la cité Limoilou vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, Actev, la Pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. The Silver Mount Zion Memorial Orchestra a été formé en 1999 par 3 membres de Godspeed You Black Emperor. Selon Pitchfork Magazine, bien qu'ils partagent avec Godspeed une profonde méfiance de l'autorité, les membres du projet diffusent leurs idées par des moyens plus accessibles. Des interviews, une plus grande interactivité sur scène, des paroles auxquelles nous pouvons tous nous joindre et des chansons aux hymnes plus rock et viscéraux. The Silver Mount Zion s'arrête au Cercle le 12 septembre prochain. Des billets en pré-vente sont disponibles sur le-cercle.ca. En marge de l'événement des grands voiliers dans le Vieux-Port, le Centre de valorisation du patrimoine vivant, en partenariat avec les musées de la civilisation, présente une série d'activités reliées aux traditions maritimes d'ici et d'ailleurs. Les 5, 6 et 7 septembre, chants de marins, conférences, rencontres avec des artisans reliés à la vie maritime du Saint-Laurent. Présenté grâce à une aide financière de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications. C'est le général de... Informations, www.cvpv.net. C'est le 5 septembre prochain que CKRL dévoilera sa programmation 2014-2015 et toute l'équipe vous invite à assister au lancement. En direct sur nos ondes, Tania Beaumont reçoit les animateurs de la prochaine saison en 5 à 7. À 19h, Jean-Sébastien Grondin chauffe l'ambiance avec Soul Finger. Et dès 20h, après une pause estivale, Michel Dubois est de retour en force et présente l'Hexagon Blues Band. Buffet, dégustation de bières rosses et blondes de CKRL et tirage de 300$ de Pastissimo Traiteur parmi les gens sur place. Pour y assister, présentez-vous simplement au 405 3e Avenue. Comment devenir membre de CKRL? Par téléphone au 418-640-2575-poste-201, par le service sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca ou en vous rendant au 405 3e Avenue à Limoilou. Faites-le avant le 5 septembre à 17h et courez la chance de gagner 300$ de Sillon le Disquaire. 300$ chez Sillon le Disquaire, c'est pas rien. Mais en plus, en devenant membre, c'est seulement 25$ devenir membre de CKRL. En plus, en devenant membre, d'abord, vous soutenez la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Vous soutenez aussi la relève artistique de toutes les scènes, musique, art visuel, théâtre, littérature, toutes les scènes locales, provinciales et autres. Oui, aujourd'hui, j'en suis la preuve. Vous démontrez votre attachement à une radio différente et indépendante et vous profitez de rabais chez différents marchands de la région de Québec. Et oui, il y a des rabais qui se rattachent au fait d'être membre de CKRL. Donc, ça vaut la peine de devenir membre de CKRL. Vous participez, vous pouvez même assister à la... Il va y avoir une assemblée générale au mois de novembre. Vous allez pouvoir participer à la prise de décision quant à ce que devient CKRL. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être membre. Morgan est un Italien que j'ai découvert et que je vous ai présenté le 8 juin, que j'ai découvert donc tout récemment, début d'été. Morgan, c'est Marco Castoldi. C'est un Milanais, il est né à Milan en 1972. Il chante, il joue de la musique, il est multi-instrumentaliste. Il fait beaucoup de rock alternatif, du rock synthétique aussi, rock expérimental, pop synthétique aussi. Il avait fondé un groupe qui s'appelait Blue Vertigo, une bande, un groupe italien qui avait été fondé en 1992. Mais il a été aussi juge pendant 3 ans dans une émission italienne qui s'appelait qui est un peu l'équivalent des X Factor, en fait, du American Idol, la version italienne de ce type d'émission. Il était juge dans cette émission. On va l'écouter dans la chanson Me. Ça, c'est tiré d'un album qui s'appelle Canzioni dell'Appartamento, un album qui date de 2003. Ensuite, on va écouter Eva Forsberg. Vous savez que Leonard Cohen, peut-être vous ne le savez pas, sinon je vous le dis, sort un album le 23 septembre prochain. Il va avoir 82 jours après son 80e anniversaire. D'ailleurs, si on se fie au premier extrait qu'on entend ces jours-ci un peu partout, Almost Like the Blues, ça promet vraiment ce nouvel album de Leonard Cohen. La prochaine, celle qu'on va entendre après Morgan, elle s'appelle Eva Forsberg. Elle est née à Stockholm, en Suède, en 1964. Elle a donc 30 ans de moins que Leonard Cohen. Mais elle a repris en suédois des chansons de Cohen. Elle est actrice aussi. Eva Forsberg, elle est non seulement chante, mais elle est actrice. Elle a aussi repris des chansons de Bob Dylan, toujours en suédois. On va l'écouter dans une superbe interprétation d'une chanson que j'ai vue chanter en spectacle par Cohen. Vous comprendrez que j'en ai des frissons quand je l'entends. C'est « Hey, that's no way to say goodbye ». Ensuite, on va écouter Anna Lipnicka. Anna Lipnicka, c'est une Polonaise. Elle a débuté sa carrière en 1993 avec un groupe qui s'appelait Various Manx. Elle a produit 3 albums avec le musicien et chanteur britanno-polonais John Porter. Ils sont en couple ensemble, ils sont toujours en couple, mais elle a décidé quand même de poursuivre. Chacun a décidé en fait de poursuivre une carrière solo. Ils sont toujours en couple, mais ils poursuivent une carrière solo. Enfin, est-ce que je sais, ils sont toujours en couple. Et donc, on va l'écouter dans une pièce d'un album quand même assez récent. Veni Amoris, c'est un album de 2013. La pièce s'intitule Hen Hen. Donc, on commence avec Morgan, la chanson Me, suivie de Eva Forsberg, Det här är inget sätt att säga adjö, Hey, that's no way to say goodbye, de Leonard Cohen. Et ensuite, Anita Lipnicka, Hen Hen. Anita Lipnicka, je l'ai présentée le 8 juin, tandis que Eva Forsberg, je l'ai présentée le 22 juin. On les écoute. Bye.

śnieżny śnieg, gdzie gotowe wody rzek, gdzie wielorybów słychać śpiew, spotykam cię. C'était Anita, Anita Lipnica, la polonaise Anita Lipnica dans Hen Hen, une chanson tirée de l'album Veni Amores, un album paru en 2013. Moi, j'ai un aveu à vous faire, ça va rester entre vous et moi. Je vous ai dit en début d'émission que je faisais une rétrospective de l'été qu'on vient de passer ensemble. Je vous ai dit que j'avais... Ça n'est pas toujours facile de choisir les pièces qu'on aime le plus. Hein, c'est un peu comme une maman, choisir les enfants qu'on aime le plus, c'est pas évident. Eh bien là, je suis obligé de vous avouer que la chanson que je vous présente, c'est ma chanson préférée. C'est une chanson que j'ai découverte cet été. C'est une chanson qui, pour moi, évoque des souvenirs de jeunesse. C'est une chanson qui est interprétée par Théo Théardo et Blixa Bargel. Théo Théardo, c'est un chanteur, compositeur, musicien, compositeur italien. Il a fondé un band qui s'appelle Meathead. Il a composé plusieurs musiques de films italiens. Tandis que Blixa Bargel, c'est... le leader d'un groupe rock expérimental, rock qui s'appelle Einsturzende Neubauten, un groupe des années 80. Mais c'est aussi, il a aussi fait partie de Nick Cave and the Bad Seeds. D'ailleurs, on va entendre tantôt une chanson de Nick. Une chanson interprétée par une polonaise de Nick Cave. Les deux ensemble donc viennent de produire. Ils ont produit un premier album en 2013 qui avait été mon album préféré, un de mes albums préférés en 2013. Et là, ils ont sorti Spring en 2014. La chanson c'est Solici Muore. Vous allez sûrement reconnaître ce grand succès, en fait, réinterprétation d'un grand succès. D'autrefois, quoi, de fin des années 60, je crois, 60, début 70, quelque chose comme ça. Ensuite, on va écouter Yasmin Hamdam dans Yanas, un remix de Yanas, Yasmin Hamdam, qui est une chanteuse libanaise que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais fait même une émission spéciale uniquement sur elle. Elle est de plus en plus connue, Yasmin Hamdam, et je suis contente parce qu'elle fait... C'est très bien ce qu'elle fait, c'est très bon ce qu'elle fait. Et surtout, elle chante en arabe. Elle fait des tournées aux États-Unis, elle fait des tournées en Europe et elle chante en arabe. Faut le faire. Donc, on écoute Solici Muore de Théo Théardo et Blixa Bargel. La voglia di amare mi scoppia nel cuore, soli si muore. Tu, o un'altra è lo stesso, aspettare non posso, soli si muore, senza un amore. Thank you.

Strictly reggae music. You cannot refuse it. Racine musicale, tous les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. Seulement 89.1, bien entendu, bien entendu. Ici Laurent Patnaud, je vous invite du 6 au 14 septembre prochain à participer à l'International des musiques sacrées de Québec. Des voix, des œuvres et des rencontres bouleversantes qui feront vibrer la mémoire et le sacré. Procurez-vous votre passeport au 525-9777. C'est le général de... En marge de l'événement des grands voiliers dans le Vieux-Port, le Centre de valorisation du patrimoine vivant, en partenariat avec les musées de la civilisation, présente une série d'activités reliées aux traditions maritimes d'ici et d'ailleurs. Les 5, 6 et 7 septembre, chants de marins, conférences, rencontres avec des artisans reliés à la vie maritime du Saint-Laurent. Présenté grâce à une aide financière de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications. Information www.cvpv.net. Ouais, ben j'ai tendance à beaucoup écrire, ben pas écrire nécessairement par rapport à moi parce que j'aime pas ça, ou sinon je déguise un peu mes expériences dans des situations plus fictives ou avec des personnages qui eux peuvent être vulnérables, sauf que pour moi c'est plus facile de les présenter eux puis de les développer que de me mettre à nu complètement puis de dire ben de raconter ma vie finalement. Je pense que c'est une forme de pudeur. Où est la froid, où est la chaud, la belle, la malunée. Sarah Toussaint-Léveillé, créative et pleine d'élan, a senti secret, mardi 2 septembre à 9h. C'est la quatrième demi-heure de l'émission Les Oreilles ailleurs. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1 ou sur le web www.ckrl.qc.ca. Notez ça. Vous pourrez, si vous n'avez pas accès à une radio conventionnelle, vous pourrez toujours nous écouter sur le web. On avait commencé la demi-heure précédente avec un chanteur italien. Eh bien, on va commencer cette dernière demi-heure avec un autre chanteur italien, Vinicio Capossela. Il est né en Allemagne, à Hanovre, même s'il est italien. Mais il est retourné en Italie, c'est la patrie de son père, l'Italie. Il est poète, il est auteur de théâtre, et il a créé un univers, au fil des années, un univers artistique unique, emprunt de musique de films, de spectacles, de textes, issu de la culture underground américaine, de la mythologie aussi. De lui, on va écouter Lord Jim. Lord Jim, ça fait référence à... c'est dans l'album Marine et Prophétie et Baleine. Ça fait référence à l'auteur Moby Dick. Ensuite, on va écouter Maria Sadowska. Maria Sadowska, c'est une chanteuse polonaise. Son père était compositeur, sa mère était une chanteuse de jazz. Donc, elle a hérité des deux côtés. Elle a débuté à chanter à l'âge de 14 ans. Elle a commencé même à écrire à l'âge de 17 ans de musique. C'est quand même pas rien. Elle a un deuxième degré en piano au Frédéric Chopin Academy of Music de Varsovie. Donc, elle est très talentueuse. On va l'écouter dans Cialo Zmatka. Ça, c'est tiré de l'album Dien Kobiet, c'est un album paru en 2013. Ensuite, on va écouter, je vous avais dit tantôt qu'on avait une autre chanson, un autre lien avec Nick Cave dans l'émission. C'est Kinga Price. Kinga Price, qui est aussi polonaise, une actrice polonaise très populaire dans son pays, Kinga Price. Elle a produit en polonais, elle a chanté en polonais The Curse of Milhaven. Une des plus belles chansons, je trouve, de Nick Cave, même si elle est très noire, très sombre. Elle est magnifique, cette chanson. Elle l'a chantée en polonais. Brzęklęstu Milhaben. le titre. On va l'écouter. Ça, c'est une chose. J'avais présenté ça le 22 juin, tandis que Maria Sadowska, j'avais présenté le 15 juin et Vinicio Capossela le 27 juillet. On les écoute dans l'ordre. Nessuno è mai protetto dalla sua debolezza, che se ne sta nascosta come una serpe dentro un rovo, vilmente sconosciuta, appena sospettata, ma invece rivelata nel momento che sta dell'oggi. Credevi di essere forte, credevi di essere saldo, ora sai chi sei, ora che sta a te l'orgi. Proprio ora che sta a te l'orgi. Le domande non ti toccano, ti piegano e ti interrogano. Tornare indietro un attimo, ma non c'è niente da rifare, solo da aspettare la prossima occasione che ancora tocchi a te l'orgi. Ora hai mancato il colpo, ma di questo non si muore. È solo che ora sai di che pasta sei l'orgi. E dentro te che sai l'orgi. Per commettere un crimine ci vuole il suo coraggio, ma per voltare la testa basta la debolezza. Sono tutti complici e non te ne vorrebbero, ti giustificherebbero giustificando loro. E dentro te che sai come, che farai, come ti comporterai quando ancora starà a te l'orgi. Lasciare al mondo fuori la condanna e la soluzione, ma farsi giudici di sé non c'è più espiazione. Non c'è un confessore a cui affidare la tua pena. Sali il tuo calvario di esule in esilio, porta sulle spalle la tua croce di Caino. Non c'è abbastanza terra più per te, terra più per te. Ora hai fatto il salto, sono in affondo, hai perso l'innocenza, sei uno di noi. Ora hai la conoscenza, sei uno di noi. Hai perso l'innocenza, sei uno di noi. ciało w ciało z matką, połączone lustra, uczmy się od siebie, że droga nie jest pusta, nie córeczko, przed nami ścieżki długie. Ziemia o świcie, żebyś mogła kiedyś odejść wolna, nakarmię cię życie, życie. Przed nami ścieżki długie, jedna nie ruszy bez drugiej. Mleko płynie z serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie, żebyś mogła kiedyś odejść wolna, na karmie cię życie, życie, życie, życie. Ciało w ciało z matką, połączone lustra, uczmy się od siebie, droga nie jest pusta, nie córeczko, nie. Przed nami ścieżki długie, jedna nie ruszy bez drugiej. Mleko płynie z serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie, żebyś mogła kiedyś odejść wolna, nakarmię cię życie, życie. Przed nami ścieżki długie, jedna nie ruszy bez drugiej. Płynie z serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie, żebyś mogła kiedyś odejść wolna, nakarmię cię życie, życie, życie, życie. Mleko płynie z serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie. Mleko płynie z serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie. Płynie z serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie. Mleko płynie z serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie. Mleko płynie z serca jak lawa. Auditorium, znów niech ścieprzało od sensacji, bo stary lekarz zwłok kremacji dokonać w szkolnym chciał. La bo ratorium, gdy tylko zili kowta w stanie wygłaszał lejem i przykazanie. Tra la la la, ała, tra la la la. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg nie zna. Nie lej na mój głos szoku, ludzie z domu wyjść się bali. Wciąż wymyślano hipotezy nowe. Ucichło wszystko, dobry Boże, ucichło jakby uciął nożem, gdy znalazł ktoś chętny na ściętą głowę. Fontannie miejskiej się pluskała, lecz nigdy nie odkryto ciała. Tra la la, hej, tra la la la. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg nie zna. Następnie stara panna Colgate kucha wyzionęła, winiarze przyjechali jednak prędko. I nim się z Bogiem połączyła, z ostatnim tchnieniem wyrzęziła, zabiła mnie Loretta własną ręką. Gdyby właśnie sprzesywałam z obozu, gdy wpadła grupa komandosów. Tra-la-la-la. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna. Nazwano mnie pomiotem diabła i przekleństwem miasta, a to Milhaven nie przyniosło pecha. Oczy mam zielone, jasne włosy, rozpuszczone ładne usta, kiedy się uśmiecham. Padnijcie wszyscy na kolana, najprostszą drogę znam do Pana. La la la, hej, la la la, la. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg cię zna. To śledztwo jest przygnębiające i niesprawiedliwe, jak śmiecie karać mnie w imieniu prawa. Dla mnie ziemskie przyjemności, ja przekroczyłam próg wieczności. Najlepiej wiem, że śmierć to nie zabawa. Nad światem dzwon działomny dzwoni, więc niech was ręka boska broni. La la la, hej, la la la. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg cię zna. To ja, ile go utopiłam, szukając pątek Colgate. Niestety zawahałam się przez chwilę. Lecz gdy chętnę oprawiałam, szczęśliwa byłam, bo widziałam słoneczny poklask na tarczowej pile. Przejęte pią krzyżowałam, z religii zawsze szóstkę miałam. La la la la, nie zna dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna. Gdy się przyznałam do wszystkiego, przed przysięgłą sławą i prasa okrzyknęła mnie wampirem. Palcami włosy rozczesałam, sędziemu w oczy spoglądałam. Nie jestem przecież pierwszym lepszym świrem. Psychiatra mieści się w klasztorze na twoją parę wielkim łowem. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna. Na co dzień jestem dość spokojna, doktor mi pomaga, gdy spadam czasem w depresyjne stany. Elektrowstrząsy lub hipnoza i złoty lek na wszystko w prozach i znów czuć mogę euforyczne plany. O wyzdrowieniu szybkim marzę, jak wyjdę jeszcze wam pokażę. Znam je tylko ja! C'était la chanteuse polonaise Kinga Price dans une interprétation d'une chanson de Nick Cave, The Curse of Milhaven. C'était en polonais. On va poursuivre et aller vers la fin de l'émission Les oreilles ailleurs de cette semaine, qui, je vous rappelle, une rétrospective de ce que je vous ai présenté cet été. On va terminer avec d'abord un groupe de la République démocratique allemande, mais qui est maintenant un groupe allemand de l'ensemble de la République allemande, Silly, Silly, c'est un groupe qui avait un statut de culte en République démocratique allemande avant que celle-ci ne tombe en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Silly, c'est un groupe qui avait été fondé par la charismatique chanteuse Tamara Danz. Tamara Danz est malheureusement décédée d'un cancer en 1996. D'ailleurs, un autre membre du groupe, Herbert Jung, le batteur, le drummer, est aussi décédé d'un cancer en 2005. Mais Silly pourrait bien revenir à l'avant-scène avec une toute nouvelle chanteuse, Anna Luz. On va voir dans les années qui viennent, je vous ferai écouter des choses d'eux. Mais là, on va écouter une chanson qui est parue dans un album sorti en 1994, Liebes Walzer. La chanson s'appelle Die Ferne. Et on va terminer avec Rita Ojala. Ça, c'est un groupe finlandais. Le 10 août, je vous avais présenté une heure de musique finlandaise parce que c'était le festival Flow à Helsinki. Je m'étais dit, tiens, ça va être une belle occasion de faire connaître des groupes finlandais. Alors, on va écouter de Rita Ojala. Vähän matkaa vielä. Ça, c'est tiré de l'album Mantereelle. C'est un album paru en 2013. Et ça va être pas mal la fin de l'émission. Ça, c'est la fin de Curse of Milhaven. La chanson de Silly suit. Ich bin